Et il y a aussi Joëlicia qui, elle, Joëlicia va rester avec nous. Salut Joëlicia, comment ça va? Salut Antoine, ça va? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on aura plein de choses à vous prévoir. Dans un instant, il y aura les éphémérides, présentées par moi évidemment. À 10h15, sera l'heure de Virginie pour l'horoscope. 10h30, l'heure des informations insolites, présentées par moi. Aujourd'hui, il y aura une news qui parlera d'un truc qui est vendu au bon coin pour une raison valable, enfin que je trouve valable. C'est près de Limoges, je vous en parle dans un instant. Ensuite, à 10h45, l'heure de la météo avec Joëlicia. Aujourd'hui, le temps a l'air de revenir à peu près en scellé. Oui, on aura des temps qui reviennent à la normale avec des températures estivales. Donc, il fait moins chaud, il fait doux, voilà, ce sera ça. Donc voilà. Ensuite, on aura le dit qu'est-ce qu'on mange avec Tati Karine, ça sera vers 11h. 11h15, oui. Du sourire, s'il te plaît, Joëlicia. On a l'impression de te tendre. C'est pas possible. J'essaie de garder mon sérieux pour une fois. Bon, ensuite, 11h15, oui, Michel et sa sélection télé de la soirée. À 11h30, il y aura tout simplement Kondra et ses enfants actus dans l'agglomération Seineur pour ce week-end et ce qui va se passer dans les jours à venir. Ouais. Ça va être ça. Donc on a un peu de tout, quoi, comme d'habitude, des événements, des inscriptions à venir aussi. D'accord. Voilà, plein de petits trucs. Et ensuite, à 11h45, ce sera l'heure des deuxièmes informations insolites. Et cette fois-ci, on partira dans une autre ville qui se définit un peu spécialement. Ça, vous devrez deviner, Kondra et Joëlicia. Et vous pouvez deviner d'ores et déjà sur Twitter, sur Facebook et sur Snapchat. C'est The Radio Seineur un peu partout. Et sur Snapchat, c'est @TheRadio27. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En attendant les éphémérides dans un instant, pour savoir quelles fêtes on fête, quels anniversaires on fête aujourd'hui, des anniversaires de stars évidemment, et là ça va être l'heure de retrouver le son de Yuko, Kylie Oldest, No Use sur Zone de Seigneur pour vous réveiller. Soyez les bienvenus, merci de nous avoir choisi, bel été. And everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. About you, I'll never win in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it around, when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge your sweet success. I guess you never cared that. Son de Yuko No Use sur Zardes Seineur. Soyez les bienvenus. Eh ben non, on va pas écouter Jane maintenant puisque c'est l'heure des éphémérides. Et j'ai un fader de la console qui vient de tomber, voilà. Bon bah comme ça je vous dis tout. Je vais le remettre pendant le son qui arrivera juste après, mais c'est pas grave, voilà. Les anniversaires du jour avec Kylie Jenner qui fête ses 21 ans. Très joyeux anniversaire à elle, c'est la demi-sœur de Kim Kardashian. Qu'on adore et qu'on suit sur les réseaux sociaux, évidemment. Sinon, niveau éphéméride, vendredi 10 août 2018, 222e jour de l'année, ça fait 2-2-2. Donc, ça peut porter malheur comme ça peut porter bonheur. En fait, les Laurent, les Dieudonné, les Laure, les Laureline, les Laurence, les Laurentine, les Laurette et les Laurie. Voilà. Pour le petit dicton du jour, pour Saint-Laurent, tout fruit est bon pour les dents. Voilà. Bonne fête et joyeux anniversaire à tous ceux qui ont été Donc voilà. Oui, Joëlicia, tu veux vous parler? Non, ça va, tu vas y arriver. Voilà. Il est 10h10, dans un instant, ce sera l'heure de l'horoscope avec Virginie. Merci d'être là, joyeux été. Et puis là, on va continuer avec le son de Jane. On l'écoutait, voici Jane. Il y aura aussi BLV Badabunka qui arrive aussi. Mais pour l'heure, c'est Jane, alright, sur Soir de Seigneur. Bienvenue, 10h11. De Jane, alright, sur Soir de Seigneur à l'instant. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et il est 10h14 plutôt. Et il va être l'heure de l'horoscope avec Virginie. Salut Virginie. Bélier, vous n'êtes pas en position de force, alors ne prenez pas de décisions importantes vous engageant pour l'avenir. Taureau, vous n'avez pas une vision très juste de la situation, il vous manque des éléments peut-être. Gémeaux, ne vous mettez pas en faute, on vous attend au tournant au moindre faux pas, soyez précautionneux. Cancer, vous multipliez les contacts et les initiatives pour que vos affaires prospèrent comme il se doit. Lion, vous êtes consciencieux et professionnel, on ne peut pas vous prendre en défaut. Vierge, vous devez entretenir des relations harmonieuses avec vos collègues ou avec votre associé si vous voulez que vos affaires prospèrent. Balance, vous démarrez au quart de tour, à la moindre réflexion. Attention, arrondissez les angles au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Scorpion, votre ambition est à nouveau sur la sellette. Vous retrouvez votre superbe pour prouver aux yeux de tous ce dont vous êtes capable. Sagittaire, climat à haute tension au bureau. Ne relâchez pas votre attention, vous risqueriez de commettre une bourde. Capricorne, privilégiez les rendez-vous extérieurs, les réunions qui vous mettent en contact avec de nouveaux interlocuteurs. Verseau, oxygénez-vous à la campagne ou prenez quelques jours de repos. Vous avez besoin de vous mettre au vert pour décompresser. Poisson, vous êtes soutenu dans vos entreprises. Alors continuez dans la voie que vous vous êtes fixée. Vous ne tarderez pas à récolter les fruits de vos efforts. Merci beaucoup Virginie. On te retrouve lundi 10h15 pour un nouvel horoscope, comme chaque jour évidemment. Dans un quart d'heure à peu près, ce sera l'heure des éphémérides avec l'histoire de la vente insolite. Il y a quelqu'un qui a vendu quelque chose pour une raison tout à fait légitime. Et ça, je vous en parlerai à 10h30. Joëlicia et Kendra devront deviner. Vous pouvez réagir sur les réseaux The Radio Seigneur et The Radio 27 sur Snapchat. Mais pour l'instant, c'est Axel Ingrosso, d'humeur sur The Radio Seigneur. Streets tonight. need the rhythm to get you flow. Dap-a-dunk-a-dunk, need some fire. No, but dunk-a-dunk, can't be tired. Watch me whip it and watch me go. Drinking like we're in Mexico. Dap-a-dunk-a-dunk, need some fire. No, but dunk-a-dunk, can't be tired. We only young. miss me when I'm gone. Larson, Lush Life à l'instant sur Zoradio Seigneur, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous ? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zoradio Seigneur. Il est 10h30 tout pile et c'est l'heure de passer aux informations insolites. Alors, je vous ai fait un petit peu de teasing hors antenne avec Joëlicia et Kandra. Et puis j'ai fait un peu de teasing au début de l'émission. Donc la première news insolite, c'est la news de quelqu'un qui a vendu une tongue qu'il n'utilisait pas sur le bon coin. Alors c'est important de préciser, c'est la tongue gauche. C'est une tongue Hollister, tout ce qui est plus normal. Homme, pied gauche, 42-43, qu'il a payé 18€ je crois. Donc voilà. A votre avis, pourquoi vend-il cette tongue? Parce qu'elle est dédicacée? Non, il ne l'a pas faite dédicacée par quelqu'un de connu ou même par le vendeur quoi. Enfin voilà. Kandra, tu penses à quelque chose? Moi, je pense qu'il y a juste, la gauche qui lui va pas. La droite, c'est une tongue, ça va bien. Ouais, une tongue, c'est. Ouais. Oh. T'aurais pu, mais. Je sais pas. Non. Du coup, vous savez pas? Non. Limoges de points, l'unijambiste vend la tongue gauche qu'il n'utilise pas sur le bon coin. Il a qu'une seule jambe, du coup il a vendu sa tongue. D'accord. Ouais. On peut s'attendre à un peu mieux niveau réaction, s'il vous plaît? Ouais, bah... Non, c'est nul. Bah non, c'est juste que c'est touchant. Bah, c'est pas insolite, du coup. C'est touchant, un peu, parce que... Oui. C'est bah du coup, je sais pas. Enfin, pour moi, bah... genre, en quoi ça sera insolite? Enfin, il est obligé de vendre qu'une tongue, tu vois? Bah, il aurait pu l'accrocher au mur, faire un souvenir. Tiens, j'ai acheté cette tongue-là. Non, il la revend parce qu'il est écologique, le mec. Et... Moi, ça me touche. Ça veut dire qu'il doit vendre aussi tous ses chaussures à chaque fois. Tu crois? Je sais pas s'il achète une basket aussi, il va revendre la gauche. Bon bah, checker régulièrement sur Le Bon Coin à Limoges parce qu'il peut envoyer aussi. Hein. Il dit à venir chercher en main pente, mais il envoie aussi par la poste ou par Mondial Relais. Donc voilà. Bon bah, c'est tout pour cette info insolite. Je pense que c'était pas mal. On en aura une nouvelle dans une heure et quart avec la ville de Vilnius. Voilà. Qui promet quelque chose d'un peu spécial. Mais pour l'instant, on va continuer en musique en attendant les prévisions météorologiques dans un instant avec Joëlicia. Vous bougez pas, il est 10h32. Merci de nous avoir rejoints sur The Radio Seigneur si ça se passe chez vous. Ensemble, jusqu'à midi. Et là, on va écouter le son de Logic et Marshmello. Everyday sur The Radio Seigneur. Bel été, bienvenue. To the spot, feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say Logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like, who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that, knuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now, hold up, wait, really now. All of that shit you been talking, just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my day, it's my day. And no matter what they say. All she ever wanted was attention. And a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days. For days and days. But today, she ain't got shit to do. Her ride along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Yeah, I'm tryna live my life, but am I doing it right? They tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fam right now. I'ma get it for the 301 and the RATTPAC. Cause you know I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard de nous on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de...

man. Leon Payne, my G. It's simple, you diplo. Your hips rolled, you do the calypso. An intro is all that I need. Oh, yeah. Y un beso, primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. De Liam Payne pour bien commencer la journée sur Zora du Seigneur Familiar. C'est le son que je viens de vous caler sur Zora du Seigneur. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous, avec vous jusqu'à midi. Et puis pour l'instant, à 10h44, c'est l'heure de la météo avec Joëlicia. Salut Joëlicia. Re-salut Antoine, salut tout le monde, bienvenue dans votre chronique météo en ce vendredi 10 août. Après la période de forte chaleur, nous aurons encore quelques passages pluvieux aujourd'hui et dans les jours à venir, nous retrouverons le bon temps aussi et les températures estivales. Aujourd'hui dans la commune de Pont-d'Arche, on aura un temps nuageux avec de faibles précipitations et une température de 17 degrés. Dans l'après-midi, on aura un beau temps malgré quelques passages nuageux, la température sera de 22 degrés. Le soir, on aura un ciel variable, devenant très nuageux avec quelques averses faibles et une température de 18 degrés. Et dans la nuit, on aura une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Parfois, ils seront assez denses, avec des averses aussi à prévoir et une température de 15 degrés. Par ailleurs, tout au long de la journée, on aura des précipitations. Il va pleuvoir toute la journée et les températures seront ainsi vers des températures plus douces. On aura aussi des rafales de vent qui atteindront les 40 km/h. Demain, le soleil se lèvera à 6h40 et se couchera à 21h13. Je vous retrouve demain pour de. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles. Pour une nouvelle météo. C'est ça. Merci beaucoup, Joëlicia. À lundi. Merci. Pour de nouvelles météos. Et puis. C'est vendredi. Merci. Et puis, on te retrouve dans une heure pour les infos voilà. Insolites où tu devineras avec Coindra quelle est la news insolite, évidemment. C'est merci ça. Beaucoup, Joëlicia. De rien. Et puis on continue en musique avec le son de Jennifer Lopez, Dinero, sur Zora du Seigneur, 10h45. Dans un quart d'heure, c'est l'heure du 10 qu'est-ce qu'on mange avec Tati Kirin, comme chaque jour, à 11h. Voilà, 10h46, soyez les bienvenus, bon réveil. Another one. Me and my man, we stack it up to the ceiling. More money. Cállate la boca, let me finish. More money. Every day I'm alive, I make a killing. Let's get it. Yeah, that's the way I'ma get it. Yo quiero dinero. I just want the green, want the money, want the cash flow. Yo quiero la venta, si, 50, si, lo siento. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. I just want the green, want the money, want the cash flow. Yo quiero la venta, si, 50, si, lo siento. La princesa.

Retrouvez les recettes sur le www.passion-cuisine.net et le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange ? Les chroniques sont disponibles en podcast sur le www.theradio.net. Bon appétit, chers audionautes, et bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle recette. Et oui, on retrouve le Qu'est-ce qu'on mange dès 11h lundi prochain. Bah, avec évidemment une nouvelle recette de Tati Karine que l'on adore, comme chaque jour. Merci beaucoup, Tati Karine. On te retrouve lundi, 11h, sur Zora de Sender. Vous ne bougez pas, puisque dans un quart d'heure, ce sera Michel de la rédac qui arrive en studio pour son programme télé de ce 10 août 2018. Mais pour l'heure, c'est le son de Koyou, 15 Sleep. That's the way it goes. It's just a two-way deja vu.

electric, the heart is not deceptive. It doesn't feel the same, not a fade. They may say we look pathetic, you know it's authentic. Sometimes you can't explain. And I feel dizzy when you look into my eyes. Have to tell you what I feel inside. Nobody else's arms could take me from your charms. Oh, oh, oh, you got me feeling like, feeling like. I'm so high, my whole body's on fire. I think I'm falling for your touch, baby. I'm so high, I'm alive with desire. I know that you're the one I love, baby. Inside these walls, we'll hide away. Our love is real and your body close. What do you feel when my heart goes? As Love avec So High à l'instant sur Zone Radio Séner. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zone Radio Séner. 11h16, il est l'heure de retrouver Michel de la Rédac pour le programme télé de ce qui va se passer ce soir. Bonjour Michel. Bonjour, c'est vendredi, nous sommes le 10 août aujourd'hui. Voici ma sélection télé avec ce soir une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 à 21h. Chérie, épouse-moi maintenant. Sur France 2, vous retrouverez les championnats sportifs européens. Sur France 3, le final de la série Disparu. Les deux derniers épisodes ce soir. Sur M6, la série Bull à 21h, 3 épisodes. Et juste après, vous retrouverez 3 épisodes de la série NCIS. Sur C8, du rire ce soir. Avec tout d'abord Génération, Decon et Garcia. Et juste après, vous retrouverez les nuls de A à Z, l'esprit canal ce soir sur C8. Sur W9, en quête d'action ce soir, Légion étrangère, un mois au cœur de l'enfer vert. Sur TMC, 3 épisodes de la série culte Hercule Poirot à partir de 21h. Sur France 4, soirée spéciale Tom et Jerry. Et sur Sister, soirée spéciale Les Simpsons. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce vendredi. Merci beaucoup Michel, on se retrouve lundi dès 11h15 pour un nouveau programme télé de ce qui va se passer lundi soir du coup. Puis on peut dire aussi que du coup sur M6 ce soir le film c'est Boule et il y aura un film de Boule sur M6. Voilà, j'ai fait ma blague, La suite dans un instant, dans un quart d'heure il y aura l'info actuelle avec Kendra, il y aura 5 Seconds of Summer aussi pour le son Young Blood. Et pour l'heure c'est Khalid and Normani, Love Lies. I need a lover to trust, tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. Just saying, I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. I've been so into your mystery. Is it because of a history? Are you into me? When it feels so good, but it's bad for you. Can't say I don't want it, cause I know I do. Come on over, I need your

son de Taylor Swift, Delicate, à l'instant sur The Radio Seigneur. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et il est l'heure à 11h30 de retrouver l'info actu avec Kandra. Salut Kandra. Salut Antoine, salut tout le monde et bienvenue dans l'info actu de ce matin avec quelques petites idées de sortie aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc sans plus attendre, on commence avec Louviers-Plage. Et oui, aujourd'hui, c'est bientôt en plus la fin en plus Louviers-Plage. Alors c'est le moment d'en profiter aujourd'hui et ce week-end parce que c'est bientôt fini. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare à la Villa Calderon de Louviers entre 14h et 19h? Louviers prépare une session créa plage entre 14h et 16h. Enfin, vous connaissez le programme, vous faites ce que vous voulez, relaxation, jeux, animation. C'est vous qui décidez, laissez libre à votre créativité, laissez une liberté à votre créativité, voilà. 14h, 16h, apprendre à maquiller son enfant, oui voilà, petite leçon de maquillage pour les fêtes à venir, pour apprendre à maquiller votre enfant en animal. Enfin, ouais, c'est sympa, ça fait plaisir. Voilà, et 14h, 19h, animation jeu en bois. Voilà, des jeux des jeux d'avant et des jeux d'aujourd'hui proposés par la ludothèque de Louviers. Voilà pour le programme. Ah non, c'est pas fini pour le programme de Louviers Plage parce que ce soir, c'est la dernière spéciale nocturne. La dernière nocturne de Louviers Plage à ne pas rater. Ça se passe au moulin de Louviers. Et c'est une soirée guinguette, donc repas plus spectacle, danse et chant. Une soirée normande, comme on les aime. Voilà. On enchaîne avec un parcours pour les petits qui est prévu à la piscine de Val-de-Reuil ce week-end, le 12. Voilà, c'est à partir de 3 ans. Donc, si vous voulez vous rafraîchir dans ces temps très chauds, n'hésitez pas à vous rendre à la piscine de Val-de-Reuil puisque tout est fait pour que vous puissiez sortir avec vos enfants, profiter de la piscine et de l'eau. On a aussi Cricbeuf, Cricbeuf qui organise un vide-grenier le 12 août du coup. Le comité des fêtes de Cricbeuf organise un vide-grenier rassemblant entre 100 et 200 exposants, donc c'est aussi une braderie je pense. Un vide-grenier mélangé avec une braderie, donc rendez-vous à partir de 6h pour attraper les petites perles rares et les objets d'occasion qui vont partir très vite. Et on n'oublie pas que ce week-end aussi, il y a la fête du village à Cricbeuf. Un petit rappel pour vous, je vous en ai déjà parlé, mais si vous n'avez rien à faire, le samedi, il y aura la fête qui va commencer à Cricbeuf, donc il y aura une soirée cochon grillé. Et le dimanche, le lendemain, du coup, le dimanche 12 août, on aura foire à tout feu d'artifice. Plus sûrement un DJ pour mettre le feu sur la piste de danse. Voilà pour les infos pour aujourd'hui et ce week-end. J'espère que vous allez en profiter un maximum. Merci beaucoup, Kandra. Encore 4 chroniques info actu. Ouais, encore très peu, ça. Ça me fait un peu de la peine, mais bon, ça va on va manquer. Tout donner pour les dernières, du coup. Bon, on va essayer très d'être bien. Au top. Bon, bah voilà. On se retrouve dans un quart d'heure, 10 minutes maintenant, pour retrouver l'info insolite tout simplement. Ça sera ça le rendez-vous à 11h45 avec Jolie et Quentin. Mais pour l'instant, Julian Peretta, Tied Up. Little secrets when everyone you know knows me. Why you wanna keep this going? Why we trying to be something knowing? Every little secret, no, we can't keep this up. All my friends know your friends, and now nothing's in confidence when there's no one in between us. You and me, we're too tied up. Got a screenshot from an unknown number. Someone you know doesn't like you. Won't pretend I'm any better. It's messed up. We'll be right back.

dans le milieu de la night, je fais de mon mieux. DJ séisme de magnitude, je veux du magnétisme dans l'attitude à la nature. Quand on a fou le jump sur ce beat, bap, bap, bap, tout le monde est affecté. Tu ressens le mood est affecté, affecté. Pour l'ambiance manifestée, y'a qu'à tester. En présence d'un leader incontesté, dans la baraque combat. Que ma que on matraque mon traqueur. Y aura que craint, que m'en doublé. Vénile, afin d'imposer un style, notre assain régné. N'oublie pas tous les pas qui te restent à franchir. Si tu veux marquer le tas avec un sang qui déchire. Le son de Friend aussi sur The Listener Best. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Listener. 11h44, c'est l'heure de la seconde partie des infos insolites. Après l'info de tout à l'heure avec l'homme unijambiste qui avait vendu une seule tongue tout simplement dans un but écologique. Et aujourd'hui, maintenant, pas aujourd'hui parce qu'on en a déjà fait une aujourd'hui, mais à 7h de 11h44, on va parler d'une ville qui s'appelle Vilnius en Europe et qui promet du plaisir à ses touristes, mais avec une campagne publicitaire plutôt hors norme. À votre avis, comment se définit cette ville Conrad et Jolicia pour dire à ses touristes que y a du plaisir à prendre dans leur ville? Comment cette ville se vend? J'ai peur de dire des conneries. Tu peux y aller parce que c'est plutôt... Enfin voilà quoi, c'est ça y va. Ils vendent du chocolat, je sais pas. Prends du plaisir, il y a aussi du chocolat. Je sais pas, tu peux pratiquer n'importe où dans la ville. des activités. Oui, des activités. Ouais, de l'acrobranche par exemple, voilà. Ouais. Bon. Je pensais plus à la gourmandise. Manger. Il y a des spots pour se poser, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que je vais vous donner un peu. Des salles de shoot un peu, tu vois. On va rester sur la croix-branche, Kandra, s'il te plaît. Bon. Vilnius promet un orgasme touristique dans une campagne publicitaire. Elle se définit elle-même comme le point G de l'Europe. Vous y croyez? C'est comment le nom de la ville? Vilnius. Tu comptes y aller? Tu veux y aller? Alors, je te l'appelle si tu veux des billets de train, par non, exemple. C'est beau, c'est beau, t'inquiète. Envoie le lien sur le site de radio pour tous ceux qui seraient concernés. Un jour peut-être, un jour peut-être. Bon bref, allez faire un petit tour à Vilnius si vous êtes en manque, tout simplement. Ou si vous voulez aller visiter, voilà. Bon, ils ont fait une campagne publicitaire, le point G de l'Europe. Bon allez voir ce que ça donne. Nous, on verra sûrement notre journaliste, Joëlie, au hasard. Bon, tant pis. Merci pour les rires, même s'ils sont arrivés un petit peu tard. On va continuer en musique en attendant le au revoir dans un instant. C'est ouf, depuis quelques news insolites, on a plus les bonnes réponses. Hein. Bon, pas grave, le son de Monomane qui arrive, Save Me A Place, il y aura aussi Alex Hepburn pour les souvenirs. Et puis plein d'autres choses, 11h46 sur Jardin du Seigneur, bienvenue. Let's go.